Les débuts du Bimbashi Joyce par Arthur Conan Doyle. Les événements qui vont faire l'objet de ce récit se placent à l'époque où le flanc envahisseur des partisans dévoués à la cause du Mahdi, après avoir quitté la région des Grands Lacs et du Darfour, avait réussi à s'étendre jusqu'aux confins de l'Égypte. Cette marée battait alors son plein, et à certains signes, on commençait à pouvoir espérer qu'elle n'allait pas tarder à se retirer. Ses débuts avaient cependant été terribles. Elle avait entièrement submergé l'armée de Hick, balayé Gordon de Khartoum, poursuivant même les troupes anglaises opérant leur retraite en arrière du fleuve et enfin avait envoyé des reconnaissances nombreuses dans la direction du nord jusqu'à Assouan. Enfin, s'étendant dans toutes les directions, des détachements avaient poussé des pointes jusque dans l'Afrique centrale et dans l'Abyssinie et avaient obliqué sur les limites de l'Égypte. Le répit, cependant, dura près de 10 années, et pendant ce temps, les garnisons de la frontière pure, sans avoir à craindre d'être attaquées, contemplaient les collines bleues du Dongola. Pendant ce temps, on avait vécu dans le luxe à Khartoum, tout en travaillant en silence au Caire. Maintenant, on se sentait prêt, et le moment était tout indiqué pour permettre à la civilisation de pénétrer avec plus de succès dans la région du Sud, avec son escorte habituelle de machines de guerre, et ses trains blindés. Un organisateur de premier ordre avait préparé, discuté, arrangé tous les détails de cette expédition. Un chef militaire avait mis à profit toutes ses connaissances de tactique et tiré le meilleur parti des sommes considérables mises à sa disposition. Une nuit, ces deux hommes s'étaient rencontrés une dernière fois, et après avoir échangé la poignée de main d'adieu, le soldat avait disparu pour exécuter sa mission de confiance. Ce fut à ce moment que le Bimbashi, Hilary Joyce, fut détaché des fusiliers du Royal Mallow, placé temporairement au 9e régiment de tirailleurs soudanais et fit sa première apparition au Caire. Il s'y trouvait maintenant accompagné de 4 caisses en fer constituant ses bagages, d'un sabre de chez Wilkinson, d'un revolver nouveau modèle sorti des ateliers de Bond et d'un exemplaire de l'introduction à l'étude de l'arabe par Green. Muni de tous ces objets et sentant courir dans ses veines le sang de la jeunesse, tout lui paraissait facile. Le général lui imposerait un peu, car il avait entendu parler de sa sévérité envers les jeunes officiers. Mais avec du tact et de la souplesse, il espérait éviter toute difficulté. Laissant donc ses bagages à l'hôtel Shepherd, il partit rendre visite au quartier général. Ce ne fut pas le général qui le reçut, mais le chef du bureau des renseignements, car le général n'était pas encore revenu de la mission qui lui avait été confiée. Hilary Joyce se trouva donc en présence d'un officier de petite taille, à la tournure massive, à la voix particulièrement douce, jointe à une impression de placidité qui cachait, sous des dehors calmes, un esprit remarquablement intelligent et énergique. Avec son sourire aimable et ses manières simples, il s'était souvent joué des orientaux les plus rusés. Il se tint debout, tenant une cigarette entre ses doigts, et regarda attentivement le nouvel arrivant. « J'avais appris votre arrivée, » dit-il. « Je suis désolé que le grand chef ne soit pas ici pour vous recevoir. Il est parti faire un tour du côté de la frontière, vous savez. Mon régiment est à Wadi Halfa. Je crois que je dois m'y rendre, n'est-ce pas, monsieur ?»« Pas du tout. C'est moi qui suis chargé de vous transmettre les ordres. » Il s'approcha d'une carte suspendue au mur et lui montrant un point avec l'extrémité de sa cigarette. « Vous voyez ce point ? C'est l'oasis de Kourkour. C'est un endroit très tranquille, mais l'air y est particulièrement sain. Vous y trouverez une compagnie de votre régiment et un demi-escadron de cavalerie. Vous prendrez le commandement de ces 2 fractions. » Hilary Joyce regarda le nom imprimé à l'intersection de 2 lignes noires. Dans un espace de 2 centimètres, la carte n'était chargée d'aucun signe conventionnel. « Est-ce un village, monsieur ? » demanda-t-il. « Non, c'est un puits. L'eau, je le crains fort, n'est pas excellente. Mais vous vous habituerez vite aux eaux saumâtres. C'est un poste très important, car il se trouve à la jonction de 2 routes de caravanes. En ce moment-ci, elles sont évidemment désertes. Mais enfin, on ne peut jamais savoir qui pourrait ou voudrait les occuper. » « Nous avons pour but, sans doute, d'empêcher toute incursion. De vous à moi, je crois pouvoir vous affirmer qu'il n'y a rien à craindre de ce côté. Vous êtes là uniquement dans le but d'intercepter tout envoi de messagers qui se trouveraient dans la nécessité de faire halte près du puits. Bien que vous veniez seulement d'arriver, vous devez suffisamment connaître les dispositions du pays pour savoir qu'il y règne un vif mécontentement et que le calife va essayer par tous les moyens possibles de communiquer avec ses partisans. De plus, Senoussi réside de ce côté là-bas, et il fit vers l'ouest de la carte un signe avec sa cigarette. Le calife aura donc peut-être le désir de lui expédier un émissaire par cette route. Quoi qu'il en soit, votre rôle consistera à vous assurer de toute personne qui se hasarderait dans ces parages, et à ne lui rendre la liberté que si vous obteniez d'elle des renseignements satisfaisants. Vous ne parlez pas arabe, je crois ? Je suis en train de l'apprendre, monsieur. Eh bien, vous aurez le temps de l'étudier là-bas. Vous aurez sous vos ordres un officier indigène, un ali quelconque, qui connaîtra l'anglais et vous servira d'interprète. Allons, au revoir. Je dirai au chef que j'ai reçu votre visite. Allez, et dirigez-vous le plus tôt possible vers le poste qui vous est confié. Il se rendit jusqu'à Baliani par la voie ferrée, de là jusqu'à Assouan par un bateau-poste. Pendant 2 jours, il traversa de Tchamo le désert de Libye, accompagné d'une garde arabe et de 3 chameaux porteurs de bagages qui obligèrent la petite caravane à marcher avec une lenteur exaspérante. Cependant, une distance, bien que parcourue à la vitesse de 2,5 milles à l'heure, finit par décroître peu à peu, et enfin, le 3e soir, en arrivant au sommet d'une colline noircie comme un tas de scories, et qui porte le nom de Djebel Kourkour, Hilary Joyce aperçut un bouquet de palmiers éloignés et trouva que cette tache d'un vert tendre au milieu du désert de sable et de rochers qu'il avait jusqu'alors parcouru avait un attrait irrésistible et produisit un effet charmant. 1 heure plus tard, il faisait son entrée dans son petit camp. La garde venait à sa rencontre pour le saluer, et l'officier indigène lui souhaitait la bienvenue en excellent anglais. Il était enfin entré dans son domaine. La résidence n'avait rien d'agréable pour un séjour un peu long. Au milieu du camp, on apercevait une large dépression entourée de pentes gazonnées, au fond de laquelle se trouvaient les 3 puits d'eau brune et saumâtre. Il y avait bien un groupe de palmiers superbes à contempler, mais dont la présence faisait regretter que la nature eût jugé bon de placer, à un endroit où l'ombre est si nécessaire, des arbres qui donnent si peu d'ombrage. Seul un superbe acacia aux branchages allongés rétablissait quelque peu l'équilibre. Ce fut cet endroit que choisit Hilary Joyce pour faire sa sieste pendant la chaleur. Ce fut là qu'à la fraîche il passa la revue de ses Soudanais aux épaules carrées et aux jambes maigres, dont les joyeux visages noirs luisaient sous leur bonnet de police de forme bizarre. Joyce était très à cheval sur l'exercice, et les nègres ne détestent pas le maniement d'armes, de telle sorte que le bimbashi ne tarda pas à être très populaire parmi eux. Mais les jours se suivaient avec une lassante monotonie. Le temps, la vue, le tableau de service, la nourriture, tout était invariable. Au bout de 3 semaines, il lui semblait qu'il était là depuis des années interminables. Enfin, un événement se produisit qui vint briser cette uniformité. Un soir, au moment où le soleil venait de se coucher, Hilary Joy se promenait au pas de son cheval sur la vieille route des caravanes. Cette route, serpentant à travers les rochers, avait pour lui un très vif attrait, car l'examen qu'il en avait fait sur la carte lui avait permis de constater qu'elle s'enfonçait dans le cœur même de l'Afrique. Les empreintes innombrables lancées par le pied des chameaux, qui depuis des siècles la parcouraient sans cesse, l'avaient rendue absolument unie, de telle sorte que, loin qu'elle fût désormais inutilisée, elle était restée la plus étrange des voies de communication, avec ses 2 pieds de large et sa longueur qui pouvait dépasser 2,000 milles. Joyce se demandait, tout en avançant, depuis combien de temps elle avait été fondée par un voyageur venant de la direction du sud, quand tout à coup, en levant les yeux, il aperçut un homme qui s'avançait. Au premier abord, il pensa que c'était un de ses troupiers, mais un coup d'œil suffit pour qu'il se rendît compte de sa méprise. L'étranger était vêtu d'un de ces vêtements flottants qui caractérisent l'arabe, et non pas de l'uniforme kaki serré au corps qui constitue la tenue du soldat. C'était un homme de haute taille, qu'un immense turban roulé autour de la tête faisait paraître gigantesque. Il marchait rapidement, la tête haute, avec l'allure d'un homme qui ne connaît pas la peur. Quel pouvait être ce géant formidable qui sortait de l'inconnu ? peut-être l'avant-coureur d'une horde de sauvages armés de lances. D'où pouvait-il venir ainsi, marchant à pied? Le puits le plus rapproché était à 100 000. N'importe, le poste avancé de Courcourt ne pouvait pas se permettre de recevoir de semblables visites. Hilary Joyce fit faire une volte à son cheval et galopa jusqu'au camp, et après avoir donné l'alarme, s'élança en reconnaissance à la tête de 20 cavaliers. En dépit de ces préparatifs hostiles, l'homme avançait toujours. Pendant un instant, en apercevant la cavalerie, il avait paru hésiter, mais se rendant compte que toute fuite était impossible, il s'avança avec l'air de celui qui veut faire contre mauvaise fortune bon cœur. Il n'opposa aucune résistance quand les mains de 2 soldats s'apesantirent sur ses épaules et marcha tranquillement entre leurs chevaux jusqu'à son arrivée au camp. Bientôt après, les patrouilles entrèrent et firent connaître que nulle part on n'avait trouvé trace de derviche. L'homme était donc un isolé. Un merveilleux chameau de course avait été trouvé mort, à une faible distance sur la route. Le mystère de l'arrivée de l'étranger s'expliquait donc facilement, mais le motif de sa venue, le but de son voyage, son point de départ, tel devait être le but des questions de l'officier plein de zèle, qui tenait à obtenir des réponses sur tous ces points. Hilary Joyce avait été quelque peu désappointé qu'on n'eût pas rencontré de derviche. C'eût été pour lui un superbe début dans l'armée d'Égypte, s'il avait eu la chance de pouvoir engager à lui seul un combat ou même une simple escarmouche. Mais enfin, telle qu'elle était, cette situation, s'il savait en tirer parti, serait susceptible de produire en sa faveur une bonne impression sur ses chefs. Il serait heureux de faire preuve de sa capacité vis-à-vis du service des renseignements, et plus encore, envers ce général si sévère, qui passait pour ne jamais oublier les actions d'éclat et ne jamais pardonner les maladresses. Les vêtements du prisonnier et son attitude dénotaient un personnage d'importance. Des hommes de race inférieure ne montent pas des chameaux de course pur sang. Joyce épongea la tête avec de l'eau fraîche, but une tasse de café noir très fort, remplaça son casque colonial par un tarbouge rouge plus imposant et se mit en devoir de réunir sous l'acacia un conseil d'enquête et de jugement. Il eût été joyeux que sa famille le vît ainsi avec ses 2 ordonnances noires derrière son siège et l'officier indigène à ses côtés. Il s'assit derrière une table pliante et le prisonnier, étroitement gardé, fut amené devant lui. C'était un homme superbe, avec des yeux gris et une longue barbe noire. « Pardieu ! » s'écria Joyce, « le gredin est en train de me faire des grimaces. » Une contraction bizarre avait en effet passé sur les traits de l'étranger, mais si rapidement qu'on eût pu la considérer comme un tic nerveux. Il avait repris l'attitude grave des orientaux. « Demandez-lui qui il est et ce qu'il désire. » L'officier indigène posa la question. L'étranger ne fit aucune réponse, mais la même contraction nerveuse passa sur son visage. « Eh bien, par exemple ?» s'écria Hilary Joyce. « Quel impertinent gredin ! Il continue à nous narguer. Qui êtes-vous donc, chien ? Dites-moi donc un peu qui vous êtes, entendez-vous ?» Mais l'arabe paraissait ne pas plus comprendre l'anglais que l'arabe. De nouveau, l'intrépide égyptien essaya de se faire comprendre sans y réussir. Le prisonnier regardait Joyce avec des yeux fixes, de temps en temps lui faisait des grimaces, mais persistant à ne pas vouloir ouvrir la bouche. Le bimbashi se gratta la tête de désespoir. « Voyons, Mahomet Ali, il faut pourtant obtenir une réponse sensée de ce gaillard-là. Vous dites qu'il ne possède sur lui aucun papier. Nous l'avons fouillé et nos recherches ont été vaines. Vous n'avez rien trouvé qui puisse nous mettre sur une piste quelconque. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il vient de loin, monsieur. Un chameau de course ne meurt pas si facilement. Il arrive tout au moins de Dongola. Eh bien, il faut pourtant arriver à lui tirer les vers du nez. Après tout, c'est peut-être un sourd-muet. Que non pas. Je n'ai jamais vu de ma vie un homme paraissant plus intelligent. Nous pourrions peut-être nous en débarrasser en le dirigeant sur Assouan. Et donner ainsi à un autre le bénéfice de la capture ? Non pas, je vous remercie. C'est un oiseau que nous avons pris nous-mêmes. Mais comment arriver à lui faire retrouver sa langue ? Les yeux sombres de l'Égyptien parcoururent le camp et s'arrêtèrent bientôt sur les feux des cuisines. « Peut-être, dit-il, si vous êtes de cet avis. » Il jeta un regard sur le prisonnier, puis un autre sur le feu qui pétillait. « Non, non, pas cela. Ce serait réellement aller trop loin. » Il n'y aurait pas grand-chose à faire pour obtenir le résultat désiré. Non, je ne veux pas. Dans ce pays-ci, on ne dirait encore rien. Mais voyez-vous, si jamais on arrivait à prendre un tel acte à Fleet Street. Cependant, ajouta-t-il à mi-voix, nous pourrions tout au moins lui faire peur. Il n'y a pas de mal à cela. C'est vrai, monsieur. Dites à nos hommes d'enlever le galabet du prisonnier et ordonnez-leur de mettre un fer à cheval au feu et de le faire rougir à blanc. Le prisonnier parut contempler les préparatifs avec un air plutôt amusé qu'effrayé. Il ne sourcilla même pas quand le sergent indigène s'approcha de lui en tenant le fer rougi sur deux baïonnettes. « Parlerez-vous maintenant ?» demanda le chef du détachement avec une fureur qu'il ne dissimulait plus. Le prisonnier sourit avec calme et passa la main sur sa barbe noire. « Allons, au diable cette épreuve !» s'écria Joyce, bondissant de colère. « Il est inutile d'essayer de bluffer avec un homme de cette trempe. Il sait parfaitement que nos menaces ne seront pas suivies d'effet. Mais j'ai le droit et la volonté de le faire fouetter. Et vous pouvez lui dire de ma part que s'il n'a pas trouvé sa langue demain matin, je lui ferai arracher la peau du dos. Aussi vrai que mon nom est Joyce. Lui avez-vous dit tout cela ? Parfaitement. Eh bien, vous pouvez aller vous coucher sur cette bonne parole, mon brave, et puisse-t-elle vous procurer une bonne nuit de repos ? Le prisonnier fut confié à la garde du poste qui l'emmena souper d'une poignée de riz et d'un peu d'eau. Hilary Joyce avait au fond très bon cœur, et son sommeil fut particulièrement agité à la pensée du châtiment qu'il lui faudrait le lendemain faire infliger aux misérables. Il espérait cependant qu'à l'aspect du fouet et des préparatifs, l'entêtement du prisonnier viendrait à disparaître, et puis il songeait combien son acte serait lâche si par hasard, c'était possible après tout, le pauvre diable était sourd-muet. Cette hypothèse l'avait tellement bouleversé qu'au lever du jour, il était à peu près décidé à envoyer l'étranger à Assouan, sans lui faire aucun mal. Ce serait cependant là, pensait-il, une conclusion bien anodine de cet incident. Il était encore étendu sur son lit de camp, réfléchissant à cette question quand la réponse lui fut apportée d'une façon aussi soudaine qu'imprévue. Ali Mahomet se précipitait dans sa tente. « Monsieur, s'écria-t-il, le prisonnier s'est enfui, enfui. Oui, monsieur, et votre chameau de course a disparu avec lui. Il a réussi à fendre la toile de la tente et il est parti ce matin à la pointe du jour sans que personne ait pu s'en apercevoir. » Le chef du détachement ne perdit pas le temps en vaines paroles et agit promptement et avec énergie. Peu d'instants après, les patrouilles de cavalerie fouillaient le sentier, tandis que des éclaireurs cherchaient dans le sable les traces du fugitif. Cependant, aucune piste ne fut découverte. L'homme avait totalement disparu. Le cœur gros, Hilary Joyce rédigea un rapport officiel sur l'affaire et l'envoya à Assouan par un courrier. 5 jours plus tard, un ordre laconique du grand chef l'invitait à se présenter sans tarder au quartier général. Connaissant le caractère sévère de son chef, qui se montrait aussi dur envers les autres qu'il l'était vis-à-vis de lui-même, il avait tout à redouter. Ses craintes les plus pénibles ne tardèrent pas à se réaliser. Sans avoir pris le temps de rafraîchir sa tenue ou de se reposer des fatigues d'un pénible trajet, il se présenta le soir même de son arrivée au quartier général. Assis devant une table surchargée de cartes et de paperasses de toutes sortes, se tenait le général et, derrière lui, le chef du service des renseignements. Leur accueil fut plutôt glacial. « Si j'ai bien compris, capitaine Joyce, fit le général, vous avez laissé vos filets entre les doigts prisonniers de la plus haute importance. J'en suis désolé, général. J'en suis persuadé, mais cela n'a rien à voir avec l'affaire. Avez-vous pu recueillir des renseignements sur son compte avant de lui laisser prendre la clé des champs ? Non, général. Comment cela ? Je n'ai, malgré mes efforts, rien pu tirer de lui. Avez-vous essayé ? Oui, général, je vous assure que j'ai fait de mon mieux. Comment vous y êtes-vous pris ? Je l'ai menacé d'employer vis-à-vis de lui l'usage de la force. Que vous a-t-il répondu ? Rien, général. Quel était son signalement ? C'était un homme de haute taille et d'un caractère prêt à tout supporter, à mon sens. Vous rappelez-vous un détail de sa physionomie qui permettrait de le reconnaître ? Il portait une barbe, ses yeux étaient gris et il avait un petit nerveux du visage. « Eh bien, capitaine Joyce, fit le général de sa voix sévère et inflexible, il m'est impossible de vous adresser des félicitations pour votre premier exploit dans l'armée d'Égypte. Vous savez sans nul doute que tout officier anglais admis à servir dans ce corps doit être un homme d'élite. J'ai à choisir mes subordonnés dans toute l'armée britannique. Il est donc nécessaire que je puisse compter sur la collaboration la plus efficace. Je me montrerais injuste envers vos camarades si je passais l'éponge sur un manque de zèle ou un défaut d'intelligence. Vous arrivez, je crois, du régiment des Royal Mallows. Oui, général. Eh bien, je suis persuadé que votre colonel serait particulièrement flatté de vous voir venir reprendre votre service à son régiment. Hilary Joyce avait trop la mort dans l'âme pour avoir le courage de répondre. Il garda le silence. Je vous ferai connaître demain matin ma décision définitive, dit le général. Joyce salua militairement et tourna les talons. Vous pouvez aller vous coucher sur cette bonne parole, mon brave, et puisse-t-elle vous procurer une bonne nuit de repos, dit le chef au moment où il s'éloignait. Joyce se retourna en proie au plus vif étonnement. Où donc avait-il déjà entendu ces paroles? Qui donc les avait prononcées? Le général était debout. Lui et le chef du service des renseignements étaient partis d'un immense éclat de rire. Joyce contemplait cet homme à la haute taille, au maintien raide, aux yeux gris impénétrables. « Grand Dieu ! » s'écria-t-il. « eh bien, capitaine Joyce ?»« Je crois que nous sommes quittes, » dit le général en lui tendant la main. « Vous m'avez fait passer un bien mauvais quart d'heure avec votre diable de fer à cheval chauffé à blanc. Je vous ai rendu l'appareil. Je pense maintenant que ce n'est pas le moment de vous renvoyer à votre ancien régiment. Mais, général, comment ?» Vous ferez bien de ne pas me poser trop de questions. Cependant, je trouve votre étonnement fort compréhensible. J'avais une affaire personnelle à traiter avec le Kabalich, et je ne pouvais me fier qu'à moi-même. C'est au retour de ce voyage que j'ai eu l'occasion de passer auprès de votre poste. Je vous clignais pourtant de l'œil assez visiblement pour vous faire comprendre que je voulais vous parler en particulier. Oui, en effet, je commence à comprendre. Je ne pouvais cependant pas me trahir devant tous vos nègres. Quelle influence aurais-je sur eux la prochaine fois qu'il m'arriverait de mettre mon costume arabe? Vous m'avez placé dans une position très fausse, mais enfin, à la longue, je suis parvenu à échanger quelques paroles avec votre officier indigène et c'est lui qui a préparé mon évasion. Lui, Mahomet Ali? Je lui avais donné l'ordre de ne rien dire, car j'avais une revanche à prendre sur vous. Nous dînons à 8 heures, capitaine Joyce. Notre vie est fort simple ici, mais néanmoins, j'espère vous traiter un peu mieux que vous ne m'avez reçu à Courcourt. Ainsi s'achèvent les débuts du Bimbashi Joyce par Arthur Conan Doyle.